oublie j'en ai qu'une, j'vis comme dans Koh-Lanta. Cette vie de rêve, ça va un gosse, une meuf, une Chevrolet, trop charbonné, une ville, un bel, autre ville, est trop sous contrat. S'lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston, qui lui compte s'il agrandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des cons, j'ai une vie tellement robotiste, dès que j'ai déjà dans quoi dépenser. Des crédits immobiliers, Minerval, l'université, colle des perles, des Champs-Élysées, pour nos 10 ans de mariage, sous deux nanana. J'peux pas de ça, perdre des sous pour des paires de saintes, père en mari, boss d'une PME, toucher 6200. Pour certains, c'est le paradis, moi j'veux pas refaire des vies, j'veux vivre un truc inédit, genre 50 J's et PDD. J'suis fatigué, l'horizon de la réalité, l'homme s'attend dans l'humanité, sans aucune humanité. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que j'lui demande, j'passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocent, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, on débrouille des girons par caméra de surveillance. Moi qui me fais la surveillance. Son sort toujours à penser qu'il sera libre. Mais là-bas, puis on se trouve dehors. Proche des coffres forts, mon âme sort dans un kilo de shit. Quand la vie te baisse, y'a pas de pilule. On en déçu près de ta cellule. Ce rap de merde n'a plus de vivre. Mais je suis là, je fais te niquer les mères. À force, je sais plus quoi faire. Ça, je n'ai qu'à tente de barrer seul. Donc, j'ai d'amour que sur ses lèvres. Vrai négro vivra ses rêves. Laisse la forêt. T'étais là, mais je t'ai pas vu. Un peu comme ta carrière. On manque de main plus ceux qu'hier. Les traites sont toutes négrières. Ils promettent le paradis avec une pelle en main. Je te dis, je t'aime aujourd'hui pour une histoire sans lendemain. De ce qu'on a pas, ce qu'on a eu. Donc, je donne le mien pour prendre le tir. Je prends les bottes pour les miens. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocent, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, on débrouille des girons par caméra de surveillance. Moi qui me fais la surveillance.